Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est samedi, c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure du Dr Disco et du Mr Funk. On va passer une demi-heure ensemble à découvrir et à redécouvrir des titres funk et disco bien sûr, mais pas que. Aujourd'hui, la découverte, c'est une chanson interprétée par le duo McFadden et Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, sortie en 1978. Ça va vite atteindre les premières places des hit-parades, croyez-moi, surtout au mois de juin de cette année-là. Le thème de la chanson, la réussite malgré les adversités. Tout un programme. Elle sera reprise par Luther Vandross lui-même. Allez, c'est parti, on y va! S'il y a une chose qui ne pourra pas nous arrêter aujourd'hui, ça va être la double dose. Et c'est l'heure, justement, de la double dose. On va la consacrer aujourd'hui à Eartha Kitt. Orson Welles disait d'elle qu'elle était la femme la plus stimulante du monde. Belle, mais pas que, car elle parle plus d'une dizaine de langues. Elle est aussi actrice. Les plus anciens d'entre nous se rappelleront la série Batman des années 60, où elle tenait le rôle de Catwoman. Eh oui, c'était elle. Sa voix rauque et suave font d'elle une artiste unique, hein, vous allez le découvrir tout de suite, hein, y a pas de souci. Sa carrière fut marquée de 3 Emmy Awards, dont un à titre posthume. Parmi tous ces titres, Moi, j'ai choisi aujourd'hui. Where is my man? Et this is my life. C'est parti! Fadjet sur 94.2. Keeping score. Le samedi, c'est Apéro Disco sur Fadjet. Le maxi du jour, aujourd'hui, ça va être Change, avec Luther Vandross et leur titre Glow of Love. Sorti en 1980, le morceau va contribuer à lancer la carrière solo de Luther. The Glow of Love est un groove funk à la chic. Luther chante avec un grain de voix soul et une émotion bien à lui. Ce titre est d'autant et autant celui du groupe que du chanteur. C'est une répétition avant le triomphe de Never Too Much pour Vandross. Promis, je vous en parle un de ces jours. Je vais vous parler de beaucoup de choses d'ailleurs. Passons directement à notre maxi du jour. C'est parti. Treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Smiling faces go. It's a wonder, it's so clear. By a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our fair talking in the glow of summer, spring, winter, and fall. All the people meeting people, laughing, dancing till the dawn. And we'll always be like this, flowing in the glow. Yeah. time will always be our friend. Reaching far to find a star, our destiny is heaven sent. Making known this loving tone, we'll never part the two of us. We will always reminisce, kissing in the glow of love. When you treasure all that's new and true and gay. Easy living when we're given what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Yeah. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. C'est l'heure de la French Touch. Aujourd'hui, on va saluer Karen Cheryl. De son vrai nom, Maurice Isabelle. Elle va percer à la fin des années 70 avec des titres comme « Sing to me mama » et « Show me your man enough ». Mariti et Gilbert Carpentier lui proposent d'être la vedette d'une de leurs émissions à une seule condition, qu'elle chante en français ses chansons. Ni une, ni deux, les titres sont traduits à la va-vite et deviennent des succès. L'artiste se lancera dans une carrière aussi dans l'animation, elle fera aussi carrière dans l'Hexagone jusqu'à la fin des années 80 pour la chanson. Elle est un peu plus en retrait maintenant. Donc je vous propose d'écouter Sing to Me Mama. On se dirige tout doucement vers la fin de cette émission, et quand arrive la fin de l'émission, arrive quoi ? La pépite. Alors ça fait un bout de temps que le morceau me trotte dans la tête, j'ai choisi Cool and the Gang, bon tout le monde connaît bien sûr, Et le morceau, c'est Stone Love. Je pense que c'est un petit peu moins connu. C'est sorti en 1987 et c'est l'un de leurs derniers succès avec une place dans les 10 premiers au hit parade. Tout de suite, on écoute Stone Love. J'ai passé un super moment avec vous, un super samedi. J'espère que vous allez passer un bon dimanche, une bonne semaine. Et je vous dis quoi ? Bah, je vous dis à la semaine prochaine, samedi prochain, même heure, même rendez-vous, Dr Disco, Mr Funk. Portez-vous bien et soyez funky. We'll be right back.